إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on est arrivé dans l'explication de la aqida de l'imam al-Humaydi dans Usul al-Sunnah. Et aujourd'hui, donc là, maintenant, on va faire le point numéro 8 parmi les 10 points qui sont expliqués par l'imam. Le point numéro 8, dans le point numéro 8, l'imam al-Humaydi, rahimahullah, il dit وَنَقُولْ أَوْ وَتَقُولْ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَمَنْ زَعَمَ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ مُعَطِّلْ جَهْمِيٌّ فهو معطل جهمي. Donc, il dit, et tu dis, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et celui qui croit autre que ça, c'est-à-dire qui prétend autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, au-dessus de son trône, alors c'est un muattil et un jahmi. Donc on va lire quelques commentaires, des commentaires qui ont été donnés par le cheikh qui fait le tahqiq de cette risala, et on va expliquer les termes mu'attil, qu'est-ce que ça signifie, et le terme jahmi, qu'est-ce que ça signifie. Donc premièrement, al-mu'attil, parce qu'on a fait dans le cours précédent l'introduction par rapport aux gens qui ont dévié par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé un peu des Jahmiyyah, on a parlé un peu des Mu'tazila et des Asha'ira et des Maturidiyyah, donc on a quand même déjà une petite introduction là-dessus. Maintenant, le Mu'attil, qu'est-ce que ça signifie? Il dit Nisbatun ila ta'til. Wa ta'til huwa nafyu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, ou ba'diha. Wa huwa qisman. Ta'tilun. كلي تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين ينفون بعض صفات الله. Le cheikh explique que المعطل c'est celui qui fait le ta'til. Le ta'til, qu'est-ce que c'est de nier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs, ou de nier une partie de ses noms ou de ses attributs. Et le ta'til est de deux catégories. Il y a le ta'til complet ou total, c'est-à-dire comme les jahmiyyah qui nient tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que tout ce qui est dans le Coran et dans la sunna comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas réel, c'est pas vrai. Hein? Ils disent, faut pas croire, hein? Qu'est-ce que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit à propos d'Allah comme attribut et comme nom dans le Coran et dans la Sunna. Ils disent ça, c'est pas, tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna comme attribut et comme nom d'Allah, c'est pas vrai. C'est abstrait, c'est allégorique, c'est symbolique. Il faut pas y croire. Hein? Et, donc ça c'est les Jahmiyyah, ils nient tout ça. Et il y a le ta'til juz'i, c'est-à-dire la négation partielle. C'est-à-dire tu nies certaines des attributs, hein, seulement. Comme par exemple les Asha'ira, qui affirment certains attributs et qui nient les autres. Ils affirment sept attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple la science, al-ilm, al-irada, la volonté. Yani, ils affirment également al-sam' et al-basar, la vue et l'ouïe. Et ils affirment al-kalam, la parole. Et ils affirment également yani, al-qudra, la capacité. Et puis il y a divergence entre eux par la suite. Certains affirment plus, certains affirment moins. Donc il y a divergence entre eux là-dessus. Mais de toute façon, ils se limitent à ces attributs-là et ils disent que ces attributs-là sont les attributs yani, qui sont établis ou affirmés par la raison. Et c'est pour ça qu'ils les affirment. Les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme par exemple les attributs de sa personne, comme la main, l'œil, yani, quand Allah dit qu'il a deux mains, qu'il a deux yeux, ou bien les attributs qui sont par exemple mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, comme le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, al-nuzul, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vient au jour de la résurrection, al-Etyan ou al-Maji, le fait que par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il a al-Rahma comme attribut, la miséricorde, ou bien al-Ghadab, la colère, ou bien yani, quoi encore, al-Ghadab wa al yani, donc des attributs de ce genre dans les textes du Coran et de la Sunna, il les nie, hein, il les déforme, il donne à ces attributs-là une autre signification. Il essaie de les déformer. Comme par exemple la main, ils disent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils disent la main c'est la force. C'est la grâce. Ou bien ils vont dire istiwa, ça veut pas dire de s'élever au-dessus de quelque chose, ils vont dire ça veut dire de prendre le pouvoir ou de conquérir quelque chose. Donc ils disent que quand Allah dit Ar-Rahman wa 'ala al-arshi istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône, eux ils disent ça veut pas dire ça. Ça veut dire le tout miséricordieux a conquis le trône. C'est ça qu'ils disent. Hein? Donc c'est comme s'ils disaient en fait, il y avait quelqu'un sous le trône et Allah est venu, il a pris sa place. Hein? Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'ils pensent que le fait de dire que Allah s'est élevé au-dessus du trône implique une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et pour éviter ça, ils utilisent cette déformation du sens. Ils disent que c'est plutôt le fait de conquérir, hein, le trône. Et ça implique une imperfection plus grande encore, puisque ça voudrait dire que quelqu'un d'autre qu'Allah serait sur le trône avant lui. Hein? Et ça, c'est encore plus grave. Donc, il s'enfuit d'une faute vers une autre faute plus grave encore. Et comme les ulama ont expliqué à propos de ces gens-là, c'est qu'ils ont dit, l'erreur de ces gens-là, c'est qu'ils ont fait le tashbih dans leur esprit. Ils ont, dans leur tête, essayé d'imaginer Allah. Et ils ont comparé Allah ou imaginé Allah comme sa créature. Ensuite, pour se sauver de cette ressemblance qu'ils ont inventée dans leur esprit, ils sont dirigés vers la négation ou bien la déformation du sens de l'attribut. Et ça, c'est une autre erreur également. Donc, nous, on est entre les gens qui nient et on est entre les gens qui font une ressemblance entre le Créateur et la créature, c'est-à-dire on affirme l'attribut sans nier leur réalité, sans nier leur signification, puis en même temps, on dit qu'il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc, en général, c'est ça la position. Donc, comme on a dit maintenant, le tenter, c'est de nier les noms et les attributs d'Allah. Il y a deux catégories, la négation totale et la négation partielle. Hein? Et ensuite, il dit, « وَمِنَ التَّعْطِيلِ تَعْطِيلُ الْفَلَاسِفَ الَّذِينَ قَالُوا بِقِدَمِ الْمَخْلُوقَاتِ وزعموا أنها تتصرف بطبيعتها وأول من ابتدع التعطيل في دين الله عز وجل الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم وأخذها طالوت ابن لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique ensuite qu'il dit parmi les exemples de ta'atil également, il y a le ta'atil des philosophes hein, qui font le ta'atil dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils nient le créateur, ils disent que les créatures existent éternellement hein. Ils disent que le monde n'a pas de début, l'univers n'a pas de début et n'a pas de fin, donc ils nient l'existence d'un début à la création. Et donc, en réalité, ils décrivent la créature par un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah, il dit à propos de lui-même qu'il est al-awwal wa l'akhir. Il est le premier et le dernier. Eux, ils prennent cet attribut-là d'Allah, ils la donnent à la création. Ils disent que l'attribut, que Allah, que la création, elle n'a pas de début et n'a pas de fin, elle aussi. Et qu'elle ne fait que se transformer. Et donc ça c'est une croyance parmi les croyances des peuples, parmi les mouchriquins, parmi les gens qui nient Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une forme de ta'til aussi. Donc les matérialistes aujourd'hui, les athées comme on les appelle, ceux qui disent que c'est la nature qui fait les choses, hein, au lieu d'affirmer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en lui, et de se soumettre à lui et de l'adorer, ils disent non, c'est la nature qui fait les choses. Hein? Et quand il parle de quoi que ce soit de ce qui se passe dans l'univers ou dans la création ou dans la terre ou dans notre corps ou dans la biologie ou autre, ils disent ça c'est la nature qui fait ces choses-là. Donc ils font le ta'atil hein, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils donnent à la création des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier qui a inventé le ta'til dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans l'islam, c'est un homme qui s'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Et lui-même a pris cette innovation-là d'un homme qui s'appelait, ou bien disons que c'est lui qui l'a inventé, et quelqu'un l'a pris de lui, et c'est Al-Jahm ibn Safwan. Donc Al-Ja'd ibn Dirham, c'est lui le premier qui a amené le ta'til parmi les musulmans. C'est lui qui a ramené cette innovation-là en premier. Hein? Et il a enseigné cette innovation-là à un homme qui s'appelait Al-Jahm ibn Safwan. OK? Et Al-Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté à l'époque hein, par un des dirigeants des gouverneurs de son époque, Khalid al-Qasri. Il l'a sacrifié, il l'a égorgé comme un mouton le jour de l'Aïd. Il est monté sur le minbar, il a fait son discours hein, de Aïd, et après l'Aïd, il a dit au Aïd al-Adha, il a dit aux musulmans, allez sacrifier vos moutons, moi je vais sacrifier Al-Ja'd ibn Dirham. Parce qu'il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa, et il a dit que Ibrahim n'a pas pris que Allah n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil hein? Et il nia les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il l'a exécuté comme ça, et ça c'est la peine dans l'islam pour les hérétiques et les gens qui apostasient l'islam. Donc ça c'est l'exemple de Al-Ja'd ibn Dirham, et celui qui a pris cette aqida de Ja'd ibn Dirham et qui l'a propagé parmi les musulmans, c'est Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé cette aqidah-là à une plus grande échelle. Et lui aussi, il a été exécuté pour son hérésie à son époque. Et c'est pour ça qu'on appelle cette secte aujourd'hui Al-Jahmiyyah. En réalité, le vrai fondateur hein, de cette secte parmi les musulmans, c'était Ja'd ibn Dirham et non Jahm ibn Safwan. Mais étant donné que celui qui l'a propagé c'était Jahm ibn Safwan, on les appelle aujourd'hui les Jahmiyyah, hein, ou les Jahmites. D'accord? Donc, on dit ou on prétend que Al-Ja'd ibn Dirham avait appris cette idée-là d'un homme qui s'appelait Aban ibn Sam'an, et qui lui-même l'avait pris d'un homme qui s'appelait Talut ibn Ukht Labid ibn al-A'sam. Donc, lui-même, c'était le juif qui avait ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette croyance-là vient en réalité des Juifs à l'origine. Il dit « انظر الكامل لابن الأثير وشرح لوامع الأنوار وفتح رب البرية بالتخليص الحموية لابن عثيمين » Dans ces livres-là, il y a les mentions de ces choses-là plus en détail. Maintenant, en ce qui concerne le terme « Jahmi », donc là, l'imam Al-Humaydi, il dit donc « Celui qui dit autre chose que le fait que Allah est au-dessus de son trône, Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa, c'est le verset 5 dans surat Taha, celui qui dit autre chose que ça, hein, alors c'est un mu'attil. » Maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire un mu'attil, hein, quelqu'un qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jahmi, hein, et al-jahmi c'est qui? Le cheikh a dit jahmi, comme on l'a dit, c'est nisbatun ila jahmi ibn Safwan. وإليه تنسب فرقة الجهمية وهو يزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به ويزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وكما أنه نفى أسماء الله عز وجل وصفاته وقال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها ونسأل الله السلامة والعافية. Donc le cheikh il dit ici que Jahm ibn Safwan, c'est à lui qu'on attribue la secte Jahmiya, hein? Et il dit donc que c'est une secte, et parmi les croyances de cette secte, il y a le fait que il pense que la foi c'est seulement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pour eux, la foi, l'iman, c'est de dire que tu connais Dieu. Du moment que tu connais Dieu, dans ton cœur, tu es un croyant. Même si tu dis aucune parole reliée à la foi, ou même si tu ne fais aucune action. Hein? Et c'est pour ça que pour eux, comme je disais dans les cours précédents, ils prétendent que Iblis, hein, le shaytan, l'anallah, il était un croyant, un mu'min, parce qu'il sait que Dieu existe. Hein? Et ou aussi que Pharaon était un croyant. Parce que il prétend, hein, il sait dans son cœur que Dieu existe. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوًا. Hein. Et ils l'ont nié, hein, ils ont nié les signes, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, alors qu'en eux-mêmes, ils en étaient convaincus. Hein, mais ils l'ont nié par orgueil et par arrogance, fierté. Hein. Pour s'élever, donc c'est pour cette raison-là qu'ils niaient la vérité. Donc au fond de leur cœur, ils croyaient soit différent. Donc là, ils disent, les Jahmiyyah, qu'il était un mu'min, parce qu'il connaissait Allah, et il reconnaissait son existence. Hein? Et on sait très bien que c'est pas suffisant de juste prétendre croire ou de connaître Allah. Pour eux, le kufr, c'est l'ignorance. Donc ça veut dire, si tu connais pas Allah, t'es mécréant. Hein? Bien entendu, ça, c'est pas la définition réelle de la foi, on l'a expliqué déjà dans les cours précédents. وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجَنَّةَ Il pense ou il prétend que le paradis et l'enfer sont pas éternels. C'est-à-dire, il dit que le paradis et l'enfer, ils vont cesser par la suite. Les gens vont entrer dedans, puis après, ça va s'éteindre, ça va s'arrêter. Le châtiment et la récompense ne seront pas éternels. Il prétend aussi, il nie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de sa aqidah. Et aussi également, il prétend que l'être humain n'a aucun choix, aucune capacité, aucune volonté. Hein? Il est forcé de faire ce qu'il fait, il est contraint de faire ce qu'il fait. Et il est comme une plume dans le vent. Hein? Il se laisse porter. Donc. Tout ce qu'on fait, on n'est pas, c'est pas réellement nous qui le faisons, c'est Allah qui le fait. Et on attribue ces actions-là à la créature symboliquement seulement. Parce qu'ils disent que, en réalité, c'est Allah qui fait ce qu'on fait. Hein? Et ils disent donc que c'est pas la créature qui fait réellement. Donc ça, c'est une autre de leurs croyances qui est en opposition avec la vérité, en opposition avec la aqidah des salafs. Et il nie que l'être humain ait une force ou une capacité quelconque de faire quoi que ce soit. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver, de nous épargner de ces égarements-là. Donc, il y a beaucoup de livres parmi les livres des, de l'Aqidah, des salafs qui réfutent ces idées-là, et le cheikh il en énumère quelques-uns. Il dit par exemple, Al-Farq bayn al-Firaq lil-Baghdadi, qui mentionne les différentes versions des croyances de ces gens-là, Al-Milal wal-Nihal, al-Shahristani, qui explique aussi les différentes croyances de ces gens-là, et l'imam al-Ajurri dans al-Sharia qui les réfute. Il dit, وقال يزيد بن هارون الجهمية هم والله زنادقة عليهم لعنة الله أخرجه عبد الله في السنة. Donc il dit que Yazid ibn Harun, qui est un des imams parmi les imams des salaf, il disait, les jahmiya, ce sont par Allah des hérétiques, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Et ça c'est rapporté par le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, dans son livre As-Sunna. Ensuite, le cheikh qui a fait le tahqiq de cette risale, il dit, At-ta'liq min aqidati ahli sunnah wal jama'a anna Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi بائن من خلقه عز وجل كما يليق بجلاله وكماله وهو ما دلت عليه الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que la aqida de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Il est séparé de sa création, comme cela lui convient, hein, comme cela convient à sa majesté et à sa perfection. Et c'est ça ce qui est indiqué par les preuves du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. قال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. Donc le cheikh ensuite il mentionne les paroles de l'imam Abu Uthman Ismail al-Sabuni, dans lequel, ça c'est un des imams parmi les imams des salaf également, qui a écrit un livre qui s'appelle Aqidatu Salaf ou Ashab al-Hadith. Et dans ce livre-là, il explique l'aqida des salaf et des ulama de hadith. Et il dit, les ulama de la umma, de même que les grands imams parmi les salaf, ils n'ont pas divergé sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et que son trône est au-dessus des cieux. Et ils affirment cela, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala se l'est affirmé pour lui-même. Et ils y croient. Et ils croient en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là comme information. Et ils l'affirment tel quel, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, al-istiwa, comme on l'a dit tout à l'heure. Et au sujet de al-istiwa, il y a 7 versets dans le Coran qui mentionnent cet attribut-là. Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, ou d'autres versets dans lesquels Allah dit thumma istawa ala l'arsh. Donc ça c'est des versets qui sont dans différentes sourates dans le Coran, et elles mentionnent cet attribut là donc c'est quelque chose de clair dans la révélation. Et ensuite le cheikh l'imam As-Sabuni il dit, et il prend ces textes dans leur sens apparent et il remet sa connaissance, à Allah, sa signification ou sa science à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le commun, hein, on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent amanna bihi kullu min 'indi rabbina, on y croit, tout cela vient de notre Seigneur, et uniquement ceux qui sont doués de raison se souviennent. Et ça c'est dans le verset 7 dans sourate Ali Imran. Le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les gens qui sont fermement ancrés dans la science disent cela, et ils sont satisfaits de cela, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge à cause de ça. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, tafsir au Coran al-Azim, il explique à propos du verset ثم استوى على العرش. Puis ensuite, Allah s'est élevé au-dessus du trône. Il dit que les gens ont différentes positions et différentes positions très nombreuses à ce sujet-là. Et il dit que ce n'est pas ici l'endroit pour exposer toutes ces différentes paroles-là. Mais on va uniquement suivre dans cette position, dans cet endroit, la voie des salafs salih. On va uniquement mentionner ici la voix des salaf al-salih, comme Malik, al-Awza'i, al-Thawri, Sufyan al-Thawri, al-Layth ibn Sa'd, al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq ibn Rahouya, qui sont parmi les imams des salaf et d'autres également parmi les imams des musulmans dans le passé comme dans l'époque présente. Et il dit, c'est-à-dire qu'il faut laisser ces textes-là tels qu'ils sont venus, sans essayer de chercher le commun, sans faire des ressemblances entre Allah et sa création, sans faire de ta'atil, c'est-à-dire sans nier ces attributs-là. Min ghayri ta'atil, il dit, et le sens apparent qui pourrait venir dans l'esprit de ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création est nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que si quelqu'un imagine quelque chose dans son esprit qui ressemblerait à une créature, alors cette ressemblance-là, elle est niée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, rien ne lui ressemble dans sa création. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant, celui qui entend tout et qui voit tout. Donc, cette question-là ou cette affaire-là, est tel que les imams l'ont expliqué, et parmi eux, l'imam Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, qui est un parmi les shuyukh de l'imam al-Bukhari, il a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa créature a mécru. Il a fait un acte de kufr. Et celui qui nie ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même, alors il a mécru. Faqad kafar. Et il n'y a rien dans ce que Allah a mentionné comme description de lui-même, ni dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de tashbih là-dedans. Il n'y a aucune ressemblance ou comparaison entre Allah et sa création dedans. C'est-à-dire, tout ce qui est mentionné dans le Coran, tout ce qui est mentionné dans la Sunna, comme attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun tashbih là-dedans. Il n'y a aucune forme de ressemblance entre le créateur et la créature là-dedans, comme on l'a mentionné dans le verset tout à l'heure, les sakamif bihishay. Et il dit, faman athbata, فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة donc quiconque affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qui a été rapporté dans les versets qui sont explicites et dans les narrations et les hadiths qui sont authentiques de la façon qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui nie toutes les imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là il a suivi la voie de la guidance, d'accord. Et donc ça c'est la voie d'Ahlus Sunnah. C'est la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et les ulama, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui fait partie des imams des ulama qui ont suivi la voie des salaf et la aqidah des salaf, il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé comme attribut, et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme attribut, on l'affirme. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, et ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nié, on le nie. Hein? Donc ce qui est affirmé, on l'affirme, et ce qui est nié, on le nie. Hein? Et on se limite à ça. Ça c'est la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et on nie toute ressemblance entre le Créateur et la créature. Et en même temps, on ne cherche pas le commun. Et en même temps, on ne cherche pas à déformer le sens des attributs. Et on ne nie pas ces attributs-là. Donc ça, c'est la position des salafs à ce sujet-là. Et on n'utilise pas non plus, hein, comme l'imam Ibn Taymiyyah l'a expliqué, on n'utilise pas des termes pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala ou pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'utilise pas des termes qui n'ont pas été utilisés dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala ou de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant des termes qui n'ont pas été utilisés dans le Coran et dans la Sunna, c'est ça qui ouvre la porte à toutes sortes de bid'ah et toutes sortes d'égarements dans la croyance. Hein? Et c'est ça l'erreur des gens de kalam et des philosophes et des gens de bid'ah parmi les Jahmiyyah, les Asha'ira, les Mu'tazila et les autres. Ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala en affirmant des choses ou en niant des choses qui n'ont pas été mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Hein? Et ils vont parler, par exemple, Dieu n'existe pas dans un endroit, ou Dieu n'est pas dans un espace, hein? Ou ils vont dire, Allah n'a pas de direction, hein? Ou bien, ils vont dire d'autres choses de ce genre. Ils vont parler de limites, ou ils vont parler d'autres choses. Et l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres également parmi les imams des salafs, ils ont expliqué que lorsque des termes comme ces termes-là sont utilisés, la position des ulama à ce sujet-là, c'est de s'arrêter. On n'affirme pas et on ne nie pas. Ce qui est dans les textes, on l'affirme. Ce qui est nié dans les textes, on le nie. Mais ce qui n'est ni affirmé ni nié, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas. On s'arrête. Hein? La tawakkaf. Et ça, c'est la voie des salafs à ce sujet-là. Parce que le fait d'affirmer quelque chose, ça implique qu'on affirme quelque chose de faux. Ou de nier ces choses-là, ça implique aussi qu'on pourrait affirmer quelque chose de faux ou nier quelque chose de vrai. Hein? Si tu nies quelque chose de ces paroles, de ces termes qui sont utilisés par les philosophes ou autres parmi les gens de bid'ah, ça implique que si tu les nies, tu peux nier quelque chose de vrai. Hein? Donc, ils s'arrêtent devant ces termes-là et ils demandent à la personne qui les affirme ou qui les utilise d'expliquer ce qu'il veut dire par ces termes-là. Et il dit, Ibn Taymiyyah, à ce sujet-là, si ce qu'il veut dire par ces termes-là est vrai, parce que c'est en accord avec les textes du Coran et de la Sunna, alors dans ce cas-là, on l'affirme. On affirme la signification qui est vraie, en rejetant l'utilisation du terme, puisqu'elle est fausse à la base. Elle ne fait pas partie de la révélation. Toutefois, si la signification qu'il essaie d'affirmer en utilisant ces termes innovés-là est fausse, alors on nie et le terme et la signification qui est fausse. Hein? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, les gens de bid'ah, en utilisant ces termes? En disant, par exemple, Allah n'est pas dans un espace ou Allah n'est pas dans un endroit. Qu'est-ce qu'ils veulent essayer de faire en disant ça? Ils veulent essayer de nier que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône. Hein? Nier qu'est-ce que Allah a affirmé dans la révélation. Et si ce qu'ils essaient de dire par là, c'est de nier que Allah est au-delà de son trône, on leur dit qu'on rejette ça. Parce que Allah a affirmé quelque chose et nous, on est obligé de l'affirmer. Hein? Mais si ce qu'ils veulent dire par là, c'est, par exemple, de nier que Allah subhanahu wa ta'ala soit entouré par sa création ou limité par sa création, dans ce cas-là, on va dire, oui, dans ce cas-là, c'est vrai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il tient toute la création, tout l'univers dans sa main. Et il ferme, hein, les cieux et la terre, il en fait une poignée au jour de la résurrection dans sa main droite. Donc, ça c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à rien de sa création. Et donc, ça c'est la façon dont on doit agir vis-à-vis de ces termes qui sont utilisés par les philosophes, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire que ces gens-là sont rentrés dans la aqida avec ces idéologies ou avec ces termes, c'est ça qui a ouvert la porte à toutes sortes d'autres égarements et de bid'a, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, vous ne retrouvez pas ces termes-là utilisés dans les paroles des salafs, hein, et dans les paroles des ulama de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et vous les retrouvez par contre dans les livres des ulama de kalam et des gens de bid'a. Hein, parmi les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidi. Quand vous lisez leurs livres, vous trouvez que de la philosophie, que des paroles. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'ayat, il n'y a pas de hadith. Hein, ils font juste philosopher comme ça et débattre. Et souvent, la seule chose sur laquelle ils se concentrent, c'est sur l'affirmation de l'existence de Dieu. Hein, pour eux, c'est ça le tawhid. Ça se limite à ça, Tawhid al-Rububiyya. En ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, ils n'en parlent pas. Ils ne font que les nier. Et quand ils parlent du Tawhid, ils ne parlent que de al-Rububiyya. Al-Uluhiyya, Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de l'adoration, le fait qu'on doit vouer notre adoration uniquement à Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi, ils n'en parlent pas. Hein? Et c'est pour ça que parfois, ils vont même accepter ou essayer de justifier des formes d'idolâtrie qui sont pratiquées par certains musulmans, hein, qui adorent les tombes ou les saints ou les morts. Et ils vont dire ça, c'est pas du shirk, hein, parce que pour eux, le tawhid se limite uniquement à l'affirmation de l'existence de Dieu. Hein. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à Quraysh et les gens de Quraysh affirmaient l'existence de Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour leur dire « Croyez que Dieu existe » puisqu'il croyait déjà en l'existence de Dieu. Il est venu dire à Quraysh « Si vous croyez réellement à l'existence de Dieu, cessez d'adorer des idoles. Arrêtez de prendre des intermédiaires entre vous et Dieu et adorez Dieu directement. Et oubliez tous les intermédiaires que vous avez entre vous-même et Dieu. Et toutes ces idoles et ces représentations-là qui n'ont aucune preuve, aucune autorité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et c'est ça le tawhid que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu amener. Donc ça vient clarifier tout ce qui a rapport avec la question des noms et des attributs dans les paroles des ulama, des salafs. Ensuite le cheikh il dit donc un autre point parmi les points de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il rentre dans une autre question, c'est-à-dire la question des gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans. C'est quoi le verdict d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? Il dit, dans le point numéro 9, parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, وَأَنْ لَا نَقُولْ كَمَا قَالَتَ الْخَوَارِجْ مَنْ أَصَابَ كَبِيرًا فَقَدْ كَفَرًا. Donc il dit, et on ne dit pas comme le disent les Khawarij, que celui qui commet un grand péché a mécru. Donc, dans cet exemple, il est en train de réfuter les Khawarij. Les Khawarij et les Mu'tazila également. Ceux qui disent que celui qui commet un grand péché, il a quitté l'islam. Il est devenu kafir. Hein? Donc, l'imam al-Humaydi, il réfute ces gens-là. Et il réfute les Mu'tazila également, puisque les Mu'tazila, comme je l'avais mentionné, ils disent une bid'a, c'est-à-dire qu'il y a un statut ou un état entre la mécréance et la foi. Al-manzila bayna al-manzilatayn. Hein? Ils disent quelqu'un qui commet un grand péché, il n'est ni croyant ni mécréant. Il est entre les deux dans cette dunya. Puis dans l'au-delà, quand il meurt, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ils rejoignent dans la position qu'ils ont par rapport à celui qui commet des grands péchés dans l'au-delà, ils rejoignent les Khawarij dans cette position-là. Hein? Et ça, c'est bien entendu une bid'a, une forme d'égarement très grave. Et à notre époque, malheureusement, on a été éprouvé par ces gens-là et ces ignorants-là qui font le takfir des musulmans sans aucune preuve et sans aucune référence parmi les Khawarij de notre époque, qui appellent à la rébellion et la révolte contre les dirigeants et qui appellent à faire le takfir des dirigeants et des musulmans sans aucune preuve, sans aucune référence et de façon qui est contraire à la façon de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc, parmi les commentaires que le cheikh qui a fait le tahqiq, il mentionne ici, il dit « قول الخوارج في مرتكب الكبيرة قول شنيع وباطل وهو مردود بنصوص الكتاب والسنة » Donc, il dit que la parole des Khawarij au sujet de celui qui commet un grand péché, c'est une parole qui est laide et qui est fausse et qui est réfutée par les textes du Coran et de la Sunna. Et il cite quelques références, yani parmi les livres des ulama qui parlent des sectes. Et il donne également comme explication, il dit « وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذَنْبٍ إِلَّا إِذَا ارْتَكَبَ نَاقِضًا مِنْ نَوَاقِضَ الْإِسْلَامِ أَمَّا الْكَبَائِرَ الَّتِي هِيَ دُونَ الشِّرْكِ وَلَمْ يَدُلْ دَلِيلٌ عَلَى كُفْرِ مُرْتَكِبِهَا يعني فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته وإذا مات وهو لم يتب منها فإن أمره تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وعفى عنه وإن شاء عذبه وهو مخلد وهو غير مخلد في النار وهو غير مخلد في النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le Cheikh il dit ici, parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il y a le fait qu'il ne déclare pas aucun d'entre les mécréants, il ne déclare aucun d'entre les musulmans mécréants à cause d'un péché qu'il a commis parmi les grands péchés. Excepté si quelqu'un commet une chose qui vient annuler les fondements de l'islam, ou qui vient annuler l'islam de la personne. Par exemple, quelqu'un qui commet un shirk majeur, ou qui commet un kufr majeur, hein. Celui-là, il a annulé son islam, donc celui-là, les ulama, ils vont le déclarer kafir à cause de du kufr qu'il a commis, ou du shirk qu'il a commis. Mais, pour un péché qu'il commet, aucun d'entre les ulama de l'islam n'ont déclaré un musulman kafir à cause d'un péché qu'il a commis. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite, en ce qui concerne les grands péchés qui sont moins graves ou en dessous du shirk et en dessous du kufr, hein, les péchés qui n'ont pas été indiqués comme étant des kufr par rapport à la personne qui les commet, alors il ne les déclare pas forts. Ceux qui commettent ces péchés-là ne sont pas déclarés kuffar. On dit uniquement à leur sujet que ce sont des pécheurs et que leur foi elle est faible. Ok? On dit que ce sont des pécheurs et que leur foi elle est faible. Donc il est croyant par sa foi et il est pécheur par son péché. Et s'il meurt dans cette situation-là et dans cet état sans se repentir, alors son cas, sa situation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va en juger. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde, et si il veut, il va le châtier. Mais il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Même s'il rentre en enfer, hein, celui qui a commis le grand péché et qu'il meurt sans se repentir, même s'il rentre en enfer, il ne va pas y demeurer éternellement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché, moindre que le shirk. Donc, tout autre péché en dehors du kufr, hein, majeur et du shirk majeur, Allah, il le pardonne à qui il veut. Hein? Donc, si quelqu'un rentre dans l'enfer parmi les musulmans à cause des péchés qu'il a commis, il ne va pas demeurer éternellement en enfer parce qu'il a tout de même de la foi dans son cœur. Il a tout de même la base du tawhid. Hein? Et de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a des gens qui vont sortir de l'enfer du moment qu'ils ont un atome de foi dans leur cœur. Allah va les faire sortir, hein, de l'enfer. Donc ça, c'est des preuves, hein, que yani, celui qui commet des grands péchés, il ne sort pas de l'islam. D'accord? Et il y a beaucoup d'autres hadiths à ce sujet-là. Et il dit ensuite, le cheikh wa وفي صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. Donc, le Cheikh dit également, comme c'est mentionné par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, selon al-Ubadah ibn Thamit, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, alors qu'il avait un groupe de compagnons autour de lui, il dit, donnez-moi votre allégeance, hein, votre serment d'allégeance, hein, sur le fait que vous n'allez rien associer avec Allah, que vous n'allez pas voler. Vous n'allez pas faire le zina, que vous n'allez pas tuer vos propres enfants, que vous n'allez pas yani, faire une calomnie ou inventer une calomnie, hein, par devant vous ou entre vos jambes, yani, faire des péchés, yani. Et vous n'allez pas désobéir dans un bien quelconque. Celui d'entre vous qui respecte cette allégeance-là, ce serment-là, sa récompense est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va le récompenser. Et celui qui fait quelque chose d'entre ces péchés-là, il sera, et qui sera puni dans cette dunya pour un des péchés qu'il a fait, hein, par exemple, quelqu'un qui a commis le zina, hein, il est lapidé par exemple, ou des choses de ce genre, alors, s'il est lapidé dans cette dunya, c'est une expiation pour lui. Et s'il commet un des péchés mentionnés et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert, c'est-à-dire il n'a pas été attrapé pour ce péché-là dans cette dunya, alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider de lui. Si Allah veut, il va lui pardonner, et s'il veut, il va le châtier. Et les sahaba ont donné la bay'a, c'est-à-dire l'allégeance et le serment d'allégeance à ce sujet-là. Il dit ensuite, وقال الإمام الطحاوي رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمته إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز. Il dit, il cite une parole de l'imam al-Tahawi, qui est un des imams parmi les imams des Salaf al-Salih. Et l'imam al-Tahawi, il dit, et les gens qui ont commis des grands péchés parmi les gens de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seront dans l'enfer, mais ils ne vont pas demeurer éternellement dans l'enfer s'ils meurent sur le tawhid. Hein? Du moins, même s'ils ne se sont pas repentis, hein, avant de mourir, hein, même s'ils ne se sont pas repentis avant de mourir, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous son verdict. Si Allah veut, il va leur pardonner et il va leur faire grâce comme Allah le dit, et il pardonne tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. Et si Allah veut, il va les châtier dans son enfer par sa justice. Puis ensuite, il va les faire sortir de l'enfer par sa miséricorde et par l'intercession des intercesseurs parmi les gens de son obéissance. Puis, il va les faire entrer dans son paradis. Et ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il protège les gens qui ont la connaissance de lui. Hein, il ne va pas les mettre au même degré dans les deux demeures. Hein, il ne va pas les mettre au même degré que ceux qui ont nié, hein, qui ont nié sa religion et qui n'ont pas été sur sa guidance. Donc, ils n'ont rien eu de sa protection et de sa protection et du fait de croire en lui ou quoi que ce soit de ce genre. Et ensuite il fait un doigt et dit, oh toi celui qui protège l'islam et les musulmans, raffermis-nous sur l'islam jusqu'à ce qu'on te rencontre avec l'islam. Donc pour résumer tout ça, c'est pour expliquer que celui qui meurt sur l'islam, hein, qui est sur le tawhid, qui n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, s'il entre en enfer à cause d'un grand péché qu'il a commis parce qu'il est mort sans s'en repentir, il ne restera pas éternellement en enfer. Il restera un certain temps que seul Allah connaît, puis il sortira par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par l'intercession des intercesseurs, et il va rentrer au paradis par la suite pour y demeurer éternellement. Et ça, c'est la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est la position des Salaf al-Salih au sujet des gens qui commettent des grands péchés. Donc, il ne faut pas dire, quand on voit un musulman qui boit de l'alcool, ou un musulman qui commet le zina ou qui fait des grands péchés, dire, ah lui c'est un kafir, ah lui ce n'est pas un musulman. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que, tant qu'il est musulman qui n'a pas commis de kufr ou de shirk, il est toujours dans l'islam. On n'a pas le droit de le faire sortir de l'islam. D'accord? Puis il y a des musulmans, malheureusement, ils ne connaissent pas ces choses-là. Et quand ils voient un musulman qui commet un grand péché, ils disent, ah lui, c'est pas un musulman parce qu'il fait des péchés. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est la position des Khawarij. Donc, la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de gens qui commettent des grands péchés, elle est entre les deux extrêmes. Entre l'extrême des Murji'a, qui disent que si quelqu'un il a la foi, du moment qu'il a la foi, il n'y a rien qui peut le nuire. Il n'y a rien qui peut nuire à sa foi. Même s'il commet les pires péchés, il reste toujours parmi les meilleurs croyants. Et sa foi reste toujours au même niveau. Elle ne diminue jamais. Hein? Et qu'il est équivalent. Il a la même foi que les prophètes et que les messagers et que les hommes pieux et que les sahabes, etc. Hein? Donc ça, c'est quelque chose de faux. Hein? Contraire à la réalité, contraire à la vérité, contraire aux preuves, aux textes. Et l'autre extrême, c'est l'extrême des Khawarij, qui disent que si quelqu'un commet un grand péché, il quitte l'islam, hein, complètement. Donc la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a est entre ces deux extrêmes-là. On dit, si quelqu'un commet des grands péchés, il ne sort pas de l'islam. Toutefois, sa foi, elle diminue. Sa foi, elle est affectée par ce péché-là. Elle diminue. Okay? Et il est un pécheur, un mauvais musulman, un mauvais croyant. Hein? Mais il n'est pas kafir. Hein? Il ne va pas sortir de l'islam. Excepté s'il commet un acte de kufr ou de shirk majeur. Hein? Comme quelqu'un, par exemple, qui dit, On n'a pas besoin de l'islam ou de la charia au XXe siècle. On est à une époque moderne, on n'a pas besoin d'appliquer la loi islamique. Celui qui dit ça, par exemple, et qui connaît la réalité de l'islam, il sort de la religion musulmane. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah. Hein? Là, c'est des exemples. Si quelqu'un, par exemple, il dit, moi je suis musulman, il dit la ilaha illallah, il fait la salat, et quand il a un malheur, il appelle et il invoque des morts. Il demande l'aide des awliya, hein, et il prie les tombes. Celui-là, c'est un mushrik. Même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ça, c'est pas la même chose que celui qui fait un grand péché. Hein? Donc, il faut faire la distinction entre ces choses-là. Parce qu'il y a des gens de bid'a, hein, ils vont vous dire, par exemple, hein, il y a des gens qui vont dire, par exemple, si tu fais le takfir de ceux qui, par exemple, adorent les morts, ils disent, ah, vous êtes des khawarij. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la position des khawarij. Les khawarij, ils font le takfir des musulmans qui font des péchés. Nous, on fait pas le takfir des musulmans qui font des péchés. On fait le takfir des musulmans qui font le kufr et le shirk seulement. Qui commettent des actes qui détruisent les fondements de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Hein? C'est ça la différence. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, à ce sujet-là. Puis, demain, on terminera avec le dernier point, parmi les points qui sont mentionnés par l'imam Al-Humaydi, rahimahullah, dans cette aqidah, les usul de Ahl-Sunnah. Inch'Allah, donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.